que ceux qui nient la sympathie des âmes expliquent, s'ils peuvent, comment, de la première entrevue, du premier mot, du premier regard, Madame de Varans m'inspira non seulement le plus vif attachement, mais une confiance parfaite et qui ne s'est jamais démentie. Supposons que ce que j'ai senti pour elle fut véritablement de l'amour, ce qui paraîtra tout au moins douteux à qui suivra l'histoire de nos liaisons. Comment cette passion fut-elle accompagnée, dès sa naissance, des sentiments qu'elle inspire le moins? La paix du cœur, le calme, la sérénité, la sécurité, l'assurance. Comment, en approchant pour la première fois d'une femme aimable, polie, éblouissante, d'une dame, d'un état supérieur au mien, dont je n'avais jamais abordé l'appareil, de celle dont dépendait mon sort en quelque sorte, par l'intérêt plus ou moins grand qu'elle y prendrait, comment, dis-je, avec tout cela, me trouvais-je à l'instant aussi libre, aussi à mon aise, que si j'eusse été parfaitement sûr de lui plaire? Comment n'eus-je pas un moment d'embarras, de timidité, de gêne? Naturellement honteux, décontenancé, n'ayant jamais vu le monde, comment pris-je avec elle du premier jour, du premier instant, les manières faciles, le langage tendre, le ton familier que j'avais 10 ans après, lorsque la plus grande intimité l'eût rendu naturelle? A-t-on de l'amour? Je ne dis pas sans désir, j'en avais. Mais sans inquiétude, sans jalousie, ne veut-on pas au moins apprendre de l'objet qu'on aime si l'on est aimé? C'est une question qu'il ne m'est pas plus venu dans l'esprit de lui faire une fois dans ma vie que de me demander à moi-même si je m'aimais, et jamais elle n'a été plus curieuse avec moi. Il eut certainement quelque chose de singulier dans mes sentiments pour cette charmante femme, et on y trouvera dans la suite des bizarreries auxquelles on ne s'attend pas.